Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 23. Troisième sorte de biens qui peuvent faire éprouver à la volonté un sentiment de joie, au sujet des biens sensibles, de leur nature et de leur variété, comment la volonté doit se porter vers Dieu en renonçant à leurs attraits. Il est temps de parler de la joie à l'égard des biens sensibles, c'est la troisième espèce de biens dans lesquels la volonté peut se complaire. Or nous entendons ici par ces biens, tout ce qui tombe sous le domaine des sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, et sert à former les raisonnements intérieurs imaginaires, en un mot, tout ce qui relève des sens corporels, soit intérieurs, soit extérieurs. Donc, pour purifier la volonté et l'introduire dans la nuit, par rapport à la joie qui provient des objets sensibles, pour lui apprendre à en user dans le seul but de s'approcher de Dieu, il est nécessaire de présupposer une vérité, déjà bien des fois proposée au lecteur, on ne l'ignore plus, l'essence de la partie inférieure de l'homme dont nous nous entretenons en ce moment, ne sont, ni ne peuvent être, capables de connaître et de comprendre Dieu tel qu'il est. Ainsi l'œil ne peut le voir, ni lui, ni aucun objet comparable à sa divine essence, l'oreille ne saurait entendre sa voix, ni un son auquel on la puisse comparer, l'odorat est incapable de sentir un parfum aussi suave, le goût, de savourer une douceur aussi élevée et aussi délicieuse, le tact, de ressentir une touche aussi délicate et aussi délectable. Enfin, l'imagination n'a pas la faculté de se former une idée qui reproduise ses traits. Isaïe nous dit à ce propos, « Depuis le commencement des siècles, les hommes n'ont point entendu, l'oreille n'a point ouï, et l'œil n'a point vu. Or vous seul, ô Dieu, ce que vous avez préparé à ceux qui vous attendent, Isaïe, 64, 4, 1 Corinthiens, 2, 9. Remarquez le bien, deux causes peuvent provoquer la jouissance et les délices des sens, l'impression qu'ils ont reçue des choses extérieures, ou une communication intérieure de Dieu. Or, d'après ce que nous venons de dire, la partie sensitive ne peut en aucune sorte connaître Dieu par la voie de l'esprit, et encore moins par celle des sens, la portée du sens est infiniment distante de Dieu. Sa capacité n'atteint pas une sphère aussi sublime, et ne s'élève aux choses spirituelles que d'une manière corporelle et sensible. Par conséquent, arrêter sa volonté sur les satisfactions que donnent ses connaissances extérieures serait au moins une vanité et une entrave qui paralyserait les forces de la volonté, et l'empêcherait de mettre toute sa joie en Dieu seul. En effet, le don absolu de la volonté est impossible, à moins de la purifier et de la dégager des recherches de cette espèce de joie, comme de toutes les autres, je l'ai dit à dessein, mettre sa satisfaction dans les objets sensibles est une vanité. Cependant, si la volonté, aussitôt qu'elle éprouve une certaine délectation dans l'essence, au lieu de s'y fixer, s'empresse de s'élever vers Dieu pour lui rapporter cette jouissance, ces choses excellentes, et si cet objet même lui devient un moyen et un secours efficace, pour exciter sa ferveur, loin de rejeter de telles impressions, elle peut et doit en profiter pour hâter son union avec Dieu. Beaucoup d'âmes sont portées vers leur fin éternelle par l'influence des objets extérieurs. Toutefois nous ne saurions trop leur recommander d'examiner de près, et avec prudence, les fruits qu'elles en recueillent, plusieurs en usent sous le spécieux prétexte de s'adonner à l'oraison, et de s'approcher de Dieu, mais, après tout, cette prétendue oraison dégénère bientôt en délassement, elles y cherchent leur satisfaction personnelle, de préférence au bon plaisir divin, leur intention semble avoir Dieu pour but, cependant, l'effet produit se borne à récréer les sens, aussi les âmes en retirent-elles plus de faiblesse et d'imperfection, que leur volonté n'en ressent d'ardeur pour se livrer à Dieu. Je vais donner ici une règle pour reconnaître quand les satisfactions sensibles sont utiles ou non au progrès spirituel. Par exemple, Louis est-elle charmée par la musique ou par d'autres sons agréables? L'odorat vient. Il a respiré de suaves parfums, ou le goût a se délecté dans des saveurs enivrantes. Enfin, le tact éprouve-t-il certaines jouissances délicieuses? Si chaque fois que le premier mouvement sensuel se fait sentir, la connaissance et l'affection de la volonté se portent vers Dieu, si alors l'âme accepte cette impression sensible purement en vue du résultat, qui facilite son ascension vers Dieu, c'est une preuve non équivoque qu'elle en retire un avantage réel. On peut user sans crainte des objets sensibles, lorsqu'ils favorisent la ferveur de l'esprit, car ils servent alors à la fin pour laquelle Dieu les a créés et les a donnés à l'homme, c'est-à-dire pour exciter son esprit à la connaissance, et sa volonté à l'amour. Néanmoins, observez-le bien, celui qui retire de ces objets sensibles un effet purement spirituel, n'est pas pour cela porté à les désirer, et il ne se met pas en peine de les rechercher. Lorsqu'il se présente, la volonté, il est vrai, ne peut manquer d'en éprouver un véritable bonheur, à cause de ce sentiment de Dieu dont ils sont la source, mais sans avoir fait d'effort pour les attirer, elle les franchit aussitôt pour se fixer en Dieu. Pourquoi donc l'âme se préoccupe-t-elle si peu de ces impressions, dès lors qu'elles lui sont un moyen d'union? En voici la raison. L'esprit habitué à trouver Dieu en toutes choses, et à s'élever vers lui par toutes les voies, est absorbé et captivé par l'esprit d'amour. Son rassasiement est tel, qu'indifférent à tous les objets sensibles, rien ne lui manque, rien ne sollicite ses désirs. Si parfois il se prend à souhaiter ses impressions, c'est en vue de ce motif spirituel, et dès qu'il en jouit, il passe outre et n'en conserve ni l'estime, ni le souvenir. Celui dont la volonté se nourrit dans ses plaisirs ne possède pas la vraie liberté d'esprit, et comme ils lui sont nuisibles, il doit s'en priver. Sans doute, la raison lui suggère d'y chercher un appui pour tendre vers Dieu, mais puisqu'il y trouve l'occasion d'une jouissance sensuelle, et que l'effet est toujours conforme à la cause, il est certain que ce moyen lui sera un obstacle et un préjudice, au lieu d'un secours et d'un avantage. Si l'on constate en soi une tendance vers ces sortes de satisfactions, il faut la mortifier au plus tôt. D'autant que plus on la laisse grandir et se fortifier, plus on multiplie les imperfections et les faiblesses de l'âme. Une jouissance fortuite ou intentionnelle vient-elle s'offrir au sens de l'homme spirituel? Il doit référer à Dieu ce sentiment de joie, afin de le perfectionner et de se le rendre profitable. Tout plaisir, fût-il même de la plus sublime nature, s'il n'est pas pris de cette manière, et s'il n'est pas fondé sur l'abnégation, sera vain, inutile, et apportera un véritable obstacle à l'union de la volonté en Dieu. Chapitre 24. Explication des dommages que l'âme éprouve, en voulant mettre la joie de sa volonté dans les biens sensibles. Si l'âme n'étouffe pas les premières atteintes de la joie engendrée par les objets sensibles et si elle ne rapporte pas à Dieu cette complaisance, elle encourt en général tous les maux énumérés plus haut, qui ont leur source dans les autres espèces de joie, l'obscurcissement de la raison, la tiédeur, la langueur spirituelle, etc. Mais il y a en particulier un grand nombre de dommages, tant spirituels que corporels, dont cette joie est la cause directe. Et d'abord, si l'âme n'a pas le courage de renoncer pour l'amour de Dieu au plaisir, dont la vue des objets sensibles lui fournit l'occasion, elle tombe dans la vanité d'esprit, la dissipation du cœur, les désordres de la concupiscence, le dérèglement intérieur et extérieur, enfuie dans les pensées impures et les mouvements inquiets de l'envie. En second lieu, celui qui se plaît à entendre des choses inutiles ne peut éviter la multitude des distractions, les superfluités des paroles, les tentations de jalousie, les jugements téméraires, la mobilité des pensées, et mille autres maux non moins pernicieux, la complaisance à respirer de suaves parfums inspire de l'horreur pour les pauvres, sentiment tout à fait opposé à la doctrine du Christ, elle fait naître la haine de la dépendance, l'aversion du cœur pour les choses humbles, et une insensibilité spirituelle, proportionnée au degré de volupté qu'atteint la passion. Les délicatesses qui flattent le goût, provoquent immédiatement la gourmandise et l'ivrognerie, la colère, la discorde, le manque de charité pour le prochain et pour les pauvres, la conduite que tenait à l'égard de Lazare le mauvais riche assis tous les jours à une table somptueuse, en est un frappant exemple, Luc 16, 19. De là s'engendrent encore les indispositions corporelles et les maladies, de là procèdent les mouvements déréglés, et par là s'augmente le feu de la luxure. De son côté, l'esprit demeure plongé dans une grande torpeur. Désir et le goût des choses spirituelles languissent de telle sorte qu'il ne peut plus les supporter, s'y arrêter, ni même s'en entretenir. En un mot, ce plaisir produit une amertume générale dans tous les sens et dans le cœur. La satisfaction que le toucher prend aux choses douces et agréables, amène d'autres dommages plus funestes encore, qui en fort peu de temps pervertissent le sens, ruinent l'esprit et lui ravissent sa force et sa vigueur. C'est alors que survient le vice abominable de la mollesse, et que se fait sentir l'aiguillon de la volupté, en proportion du plaisir auquel on se livre, cette joie nourrit la luxure, rend l'esprit efféminé et timide, les sens faciles à flatter, à caresser, toujours disposé à pécher et à faire le mal, elle remplit le cœur d'une vaine allégresse et d'un bien-être frivole, elle enlève tout frein à la langue, et donne une pleine liberté aux yeux, elle charme et émousse les autres sens, selon le degré de la passion, elle fait perdre au jugement sa droiture, l'entretient dans l'ignorance et l'incapacité à l'endroit des choses spirituelles, au moral on devient pusillanime et inconstant, les ténèbres obscurcissent l'âme, la faiblesse se répand dans le cœur, et on se sent en proie à la crainte, là où il n'y a pas lieu d'en avoir, d'autres fois l'esprit de confusion, l'insensibilité de la conscience et de l'intelligence, l'affaiblissement considérable de la raison, sont les tristes fruits de cette passion. Elle rend incapable de recevoir un bon conseil ou de le donner, inaccessible au bien de l'ordre spirituel et moral, en un mot, inutile à tout comme un vase brisé. C'est ainsi qu'à la suite de ce genre de joie, tous les maux viennent fondre sur l'âme, avec plus ou moins d'intensité chez les uns que chez les autres, selon la violence de leur passion et suivant le caractère, la faiblesse et l'inconstance du sujet, certaines natures auront à souffrir plus de pertes d'une légère occasion, que d'autres n'en souffrent d'une plus considérable. Enfin, la jouissance produite par le toucher expose l'âme à tous les maux et à tous les préjudices, que nous avons dit être la conséquence de la joie, qui a pour objet les biens naturels, c'est pourquoi je m'abstiens de les mentionner de nouveau, comme aussi je passe sous silence une foule d'autres périls dont elles nous environnent, tels sont, la négligence et la lâcheté dans les exercices spirituels, la crainte des macérations corporelles, La tiédeur et l'insensibilité dans l'usage des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Chapitre 25. Avantages spirituels et temporels dont l'âme est enrichie, par le renoncement, aux joies puisées dans les choses sensibles. Les biens que l'on trouve dans la privation de cette sorte de joie, sont nombreux et admirables, les uns sont spirituels et les autres temporels. Le premier que l'âme recueille en se soustrayant à la joie des choses sensibles, est de réparer ses forces affaiblies par les distractions, dans lesquelles l'exercice exagéré des sens la fait tomber, alors, recueillie en Dieu, elle conserve l'esprit intérieur, et les vertus déjà acquises prennent un nouvel accroissement. Le second avantage spirituel n'est pas moins excellent, l'abnégation de cette jouissance sensible change l'homme sensuel en l'homme spirituel, et de l'état animal elle l'élève à l'état raisonnable, tout en restant homme. Sa vie se rapproche de la vie angélique, de terrestre et d'humain, il devient céleste et divin, en réalité, celui qui est avide de ces choses, et en fait l'objet de sa joie, ne mérite pas d'autre qualification que celle de sensuel, d'animal, de terrestre, etc. Mais s'il se dégage des jouissances frivoles, on peut, à bon droit, le nommer spirituel, céleste et divin. Saint Paul s'est chargé de prouver la vérité de notre proposition, lorsqu'il a écrit aux Galates, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Citation 5, 17. Dès lors, l'une de ses forces venant à s'affaiblir et à manquer, celle qui lui est opposée doit, de toute nécessité, croître et se développer, car l'obstacle qui entravait son progrès a disparu, l'esprit, cette partie supérieure de l'âme, qui est en rapport et en communication avec Dieu, mérite les titres illustres de spirituel et de céleste, puisque sa perfection consiste dans la participation au bien et aux dons surnaturels. Cette double vérité est encore confirmée par saint Paul, l'homme sensuel, c'est-à-dire celui dont l'affection de la volonté se porte sur les choses sensibles, est un être animal qui ne conçoit point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et, celui qui élève l'affection de sa volonté en Dieu, mérite d'être appelé, l'homme spirituel qui juge tout, et pénètre tout, jusqu'aux secrets les plus profonds de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, 15, 10. L'âme trouve donc en ceci un merveilleux avantage, qui la dispose admirablement à recevoir les faveurs divines et les dons spirituels. Le troisième avantage consiste dans une augmentation notable de délices et de joie pour la volonté, même au point de vue temporel, selon la promesse de notre divin Sauveur, on recevra 100 pour 1. Matthieu 19, 29. Renoncez-vous à une satisfaction, le Seigneur vous en donnera 100 fois plus ici-bas, dans l'ordre spirituel et temporel, au contraire, pour un plaisir que vous prendrez dans les objets sensibles, vous en recueillerez 100 fois plus de peine et d'amertume, par exemple, si le sens de la vue est déjà purifié et détaché du plaisir de voir. L'âme éprouve une joie spirituelle à rapporter à Dieu tous les objets divins ou humains qui frappent ce sens, mortifié, par rapport à lui, l'âme reçoit 100 fois plus de jouissance spirituelle, par l'habitude qu'elle a d'offrir à Dieu tout ce qu'elle entend de divin ou d'humain, il en est de même pour les autres sens déjà purifiés, au paradis, terrestre, où nos premiers parents vivaient dans l'état d'innocence. Ils ne voyaient, ne disaient et ne faisaient rien, qui ne leur servit de moyen pour s'élever à une contemplation plus délectable, chez eux. En effet, la partie sensitive était réglée et parfaitement assujettie à la raison, ainsi celui dont les sens sont soumis à l'esprit, et qui sait dompter même les premiers mouvements, puise des délices ineffables dans la connaissance et la contemplation de Dieu. Toutes les choses supérieures ou inférieures tournent au profit de l'âme pure, et l'aident à acquérir une plus grande pureté. De même, pour l'âme impure, il n'est rien dont elle ne puisse retirer du mal. L'homme spirituel qui n'a pas assez de courage pour triompher de la passion de la joie, ne goûtera que rarement cette joie sereine en Dieu, que procure le spectacle splendide des œuvres de la création. Au contraire, celui qui a rompu avec la vie des sens, dirige toute leur activité, et toutes les puissances de son âme, vers la divine contemplation. En bonne philosophie, il est reconnu que chaque chose vit selon la qualité de son être, donc l'homme qui est parvenu à transformer sa nature animale en une nature spirituelle, et dont toutes les affections, les tendances et les actes sont inspirés du même esprit, se porte sans résistance vers Dieu. Pour lui, chaque chose revêt un caractère tout particulier de douceur, de jouissance, de pureté, de chasteté, de joie et d'amour, et lui sert merveilleusement à s'élever jusqu'au Seigneur. De ceci j'infère la doctrine suivante: si l'homme veut délivrer son âme du joug de la vie animale, il doit nécessairement renoncer à la satisfaction que les objets matériels lui offrent, jusqu'à ce qu'il ait imprimé à ses sens une telle habitude de mortification, à l'endroit des joies sensibles, qu'il en retire l'avantage de trouver en tout l'occasion d'aller à Dieu. Sinon, il est à craindre que le contact des créatures ne fournisse à sa nature, si terrestre, plutôt des forces pour alimenter les sens que l'esprit, et que la partie sensitive, prédominant en ses actions, n'excite de plus en plus la sensualité. Notre divin Sauveur n'a-t-il pas dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, 6. C'est là une vérité incontestable, qu'on ne l'oublie pas. Celui dont l'attrait pour les plaisirs n'est pas mortifié, ne doit pas avoir la présomption de puiser dans l'exercice des sens un secours assez puissant pour progresser dans la vertu, et pour accroître ses richesses spirituelles. Bien au contraire, les forces de son âme augmenteront par la privation des objets matériels, et par la répression de la volupté. Quant au bien céleste, qu'une généreuse abnégation nous mérite dans l'autre vie, il est inutile de les énumérer ici. Les qualités des corps glorieux, comme l'agilité, la clarté, etc., seront d'une excellence bien supérieure en ceux dont les passions auront été plus mortifiées. En outre, l'âme recevra une augmentation de gloire essentielle, proportionnée à l'amour de Dieu qui l'aura porté à combattre les satisfactions sensibles, le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie, produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire. 2 à Corinthiens 4, 17, nous dit saint Paul: je ne crois pas devoir indiquer les autres avantages moraux, temporels et spirituels, qui sont la conséquence de la nuit des sens ou du renoncement à cette joie. Ces avantages sont les mêmes dont nous avons parlé à propos des autres genres de joie, mais ils se réalisent ici dans un degré bien plus éminent. En effet, la joie à laquelle on renonce touche de plus près à la nature de l'homme et, dès lors, il acquiert une pureté plus intime, s'il sait en faire généreusement le sacrifice.